Elle voit la taille de mes jouets. Évidemment que je suis joueur. J'ai plus peur d'échouer. Noyé dans des larmes de douleur. Des diamants, sèche-les. Quand elle brille tout là-haut, elle nous voit, je réalise à quel point le ciel est beau. J'ai les mains sur une crosse, le téflon sur le dos. Dans le vent et la braise, on a grandi, mais je veux mourir près de l'eau. Hein? Faut que je la sorte du coma. Avec ou sans love, stoppé par le temps, l'ego, l'amour du mob. Je croise au mur, j'entends dans ses murmures que j'ai mis son cœur en lambeau. Hier encore, t'avais mon nom sur les lèvres, depuis l'op, t'es plus la même. Où qu'on aille, tu m'as dit aimer, c'est pas tout. Rien n'est à moi, rien n'est à nous. Ma santé pour un smic, j'préfère crever riche et solo. Page zone air, cross lui qui se met devant. Ma vie dans un disque, mon sang dans ton vendo. À nos morts, à nos restes en photo. De tes hôtes, n'est pour mourir debout. On m'affrontera quand même. J'ai oublié comment vivre. Tant que le soleil sève, avec ou sans love. Tant que mer n'est pas sombre. Je suis parti, j'ai pris des risques, mais je vais pas revenir fort, je te l'ai dit, je tiendrai promesse. Tu m'as pas vu changer de fusil d'épaule, j'ai du temps, j'ai peu sommeil. Ma gorge nouée, les peines en chiffres, si tu m'entends, je suis en guerre. Je t'ai dit chérie, attends, moi je suis en guerre. Tu m'attends, tu me perds. Depuis longtemps je le savais, j'ai vu clair, laisse tomber, j'ai plus mal. Ah, je parle à la lune, je vois ton reflet dans l'eau. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Ah, tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Quand les regrets reviennent, je repense et je tourne en rond. Jamais plus je ne te dirai bébé reviens. Tant pis pour le reste, j'ai pas tourné ma veste. Tu t'es senti seul dedans. Quand le temps passe, les plaies s'estompent. On oublie pas, on vit avec. À nos morts, à vous. Gouache sur les phalanges, violent. J'ai grandi, j'ai plus les mêmes hantises qu'avant. J'ai choisi de le faire à leur détriment. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Ah oui, j'en montrerai quand même. Quand le soleil se lève, avec ou sans love, ton père n'est pas sans nom. J'suis parti, j'ai pris des risques, mais je vais pas venir fort. J'te l'ai dit, j'tiendrai promesse. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. J'ai du temps, j'ai peu sommeil. Avant de m'avoir dit je t'aime, m'as-tu dit je t'aime? Va de l'avant, réalise tes rêves. T'es émerveillé, la meilleure ou la pire chose qui m'arrive. Qu'elle me donne, j'en veux plus, j'allais mal, t'as joué la veille.